Zygomar Bouchancœur, Livre second, L'homme d'Amérique, par Léon Sazy. Chapitre premier, Madame Dubois. Pendant le trajet de Mantes à Paris, la belle Bourbonnaise se demandait anxieusement où elle devrait se rendre, où chercher un abri, une demeure, un endroit enfin qui lui permettrait de se sentir, elle, en sécurité, et en même temps d'être facilement retrouvée quand son époux Bouchancœur, alias l'illustre Perpignan, opérait à son tour son entrée dans la capitale. Sa première pensée fut de descendre là, où après chaque séparation, qui malencontreusement interrompait, mais sans la briser, leur tendresse d'époux, il savait se retrouver. Là où, après les villégiatures dans les prisons-palaces du gouvernement français, tous deux se rejoignaient et commençaient une nouvelle période d'art et d'amour. Cet endroit de prédilection et d'utilité incontestable se nommait le grand hôtel des deux mondes et de l'univers, titre modeste comme on le voit. C'était une sorte de caravansérail, étroit, malsain, où, dans un espace restreint, on avait trouvé le moyen d'établir quantité de chambres, des réduits plutôt, sans lumière, sans air, mais en tout temps quand même bondés. Ce grand hôtel en fumée, puant la crasse, la pipe, la ragougnasse de fricots invraisemblables, s'érigeait dans une des rues étroites, sombres, donnant sur le boulevard de l'hôpital, près de la place d'Italie. C'est là que se tient généralement le grand marché des artistes forains, la bourse des banquistes. C'est la maison de banque, disent les artistes spéciaux, qui viennent s'y faire engager pour les diverses pièces. Dans la salle basse du grand hôtel des deux mondes et de l'univers, les directeurs, les propriétaires des baraques foraines, tiennent leurs assises. On vient les trouver là, dans ce café en fumée, et entre deux apéritifs, des verres de gros vin, se traitent les affaires, se font les engagements, se préparent les numéros, se décident ces spectacles uniques au monde, spéciaux dans l'univers, qu'ont admiré, disent les boniments, toutes les têtes couronnées de l'Europe, y compris celles des gouvernements français, suisses et de Saint-Marin. L'illustre Perpignan et la belle Bourbonnaise contractaient souvent des engagements dans cette antichambre de la gloire foraine. On les y connaissait donc. Ils étaient deux clients assidus et fidèles du grand hôtel. Ils y revenaient après chaque accident qui leur arrivait en dehors de leur glorieuse carrière artistique. Accident et villégiature, c'est par cet euphémisme qu'on désignait une arrestation et un séjour en prison. Hâtons-nous de dire que si pour l'illustre Perpignan, Bouchancœur et la belle Bourbonnaise, on se montrait indulgent dans ce milieu, cela ne signifie pas que les gens à dossier judiciaire chargé étaient en grand nombre ici. On aurait tort de croire que nous voulons continuer l'erreur de certains romanciers et ne voir dans le monde de la banque que des malfaiteurs plus ou moins notoires. Au contraire, les forains, surtout aujourd'hui, sont pour la plupart de fort braves gens qui vivent d'un métier, peut-être paré de couleurs chatoyantes, mais en réalité fort pénible. L'allure bohémienne et poétique qu'on leur prête n'est que littérature et nullement réalité. Mais cette indulgence dont jouissaient Bouchancœur et la fidèle Zélie venait précisément de la bonhomie et de la compassion des managers, qui savaient d'ailleurs que les fautes des deux pauvres diables étaient peu graves, et qui chaque fois prenaient pitié de leur détresse et faisaient semblant de croire à leur définitif repentir, pour leur permettre de gagner, dans la banque, de quoi manger. La belle Bourbonnaise pensait donc, dans le train, à venir demander asile à l'hôtel des deux mondes et de l'univers, mais sa finesse, sa roublardise, lui démontrèrent qu'elle commettait ce faisant une grosse imprudence. Elle ne savait pas encore ce qui était advenu de Bouchancœur. Avait-il pu fuir? Était-il pris, comme elle le redoutait, et ainsi que cela lui arrivait trop souvent? Il a si peu de chance, et il est si maladroit, pensait-elle. De plus, cette fois, il ne s'agissait pas d'un larcin seulement, d'un vulgaire, d'un simple cambriolage, d'un coup quelconque habituel sous la conduite de Clouteau et pour le compte du maître, du grand Zygomar. Cette fois, il y avait assassinat et incendie, c'était bien plus grave. Et l'on ne courait pas seulement le risque d'une villégiature dans un des palaces-prisons, mais on risquait bel et bien la déportation tout au moins et presque sûrement la tête. Cela demandait réflexion. La belle Bourbonnaise, donc, par prudence, résolut de ne pas descendre tout de suite à l'hôtel des deux mondes et de l'univers. Elle pensa, non sans logique, que si Bouchancœur était pris, car elle se doutait bien que malgré tout, et comme toujours, Clouteau avait su filer, si Bouchancœur était pris, on allait la chercher, elle, dans Paris, la pister aux environs de la place d'Italie. Alors elle jugea beaucoup plus sage de ne pas aller là où elle risquait de trouver des camarades, d'être dénoncée à la police. Il décida de se tenir tout d'abord de ce côté-ci de Paris. Donc, sortant de la gare Saint-Lazare, elle remonta avec Paulette de la rue d'Amsterdam. Elle allait un peu au hasard, toutefois, ne sachant vraiment encore vers quel but marcher, n'ayant que cette pensée, trouver un logis provisoire, l'un de son ancien centre d'opération, pour elle, à cette heure, on ne peut plus dangereux. Mais, par prudence, elle songea à se transformer encore une fois. Le costume de paysanne lui allait fort bien, sans doute. Bouchancœur ne le lui avait-il pas déclaré, mais il permettait de retrouver la piste et de la suivre facilement. Donc, dans un bazar, elle acheta des bas, des souliers pour Paulette, un petit costume noir. Pour elle, ce fut en premier un nouveau chapeau. Puis un corsage, une jupe, qui devait lui donner une physionomie, une allure absolument différente de ce qu'on avait pu remarquer quand elle descendait du train de Mantes. Elle héla une voiture, s'engouffra dedans avec ses emplettes et fit asseoir Paulette à côté d'elle sur la banquette. Elle donna une adresse quelconque du boulevard de Clichy et commença immédiatement le changement des costumes. Elle habilla Paulette, la chaussa, puis elle passa non sans mal à sa propre transformation. La belle bourbonnaise emplissait presque entièrement l'intérieur du fiacre, dont le malheureux cheval peinait fort en montant la rue. Il ne lui était pas facile du tout d'ôter les effets de paysanne et de revêtir les nouveaux. Cependant, en tant qu'artiste, habituée à s'habiller dans des loges presque aussi étroites et incommodes que ce fiacre, elle finit par en venir à bout tout de même. Elle coiffa en dernier son nouveau chapeau. Certes, ce chapeau comportant des cerises et des raisins, avec seulement quelques pêches, ne manquait pas de chic. Mais il ne valait pas tant s'en faut, le monument restait là-bas, dans le pavillon de chasse, et que de tout temps, elle devait regretter. On ne trouve pas de chapeau pareil dans sa vie. Paulette la regardait faire avec un étonnement profond. Elle se demandait pourquoi cette paysanne, qui, comme sa grand-mère à la tilleuse, portait un bonnet, enlevait dans cette voiture son bonnet et devenait une dame. « Il faut être belle, ma fillette, » lui disait Lee, « très belle quand on vient à Paris. » Paulette ne comprit pas davantage. Le fiacre enfin s'arrêta sur le boulevard de Clichy. Vivement, la belle bourbonnaise régla le cocher, et avant que l'automédon eût le temps de revenir de sa surprise en constatant lui aussi le changement de ses voyageuses, de cesser d'admirer le chapeau nouveau, Zélie entraîna Paulette par la main et se perdit dans la foule. La belle bourbonnaise connaissait quelque peu le quartier. Elle y était venue à diverses reprises avec l'illustre Perpignan dans des baraques au moment de la foire des boulevards extérieurs. Même, dans un des cabarets de la butte, elle avait recoulé des romances, tandis que Perpignan paraissait dans son répertoire et déclamait des poésies. Ils firent aussi une saison dans ce quartier, en compagnie de Clouteau. Ils durent disparaître promptement et ne plus revenir après un événement qui fit grand bruit à l'époque. On trouva pendue une vieille antiquaire du boulevard de Clichy, quelque peu receleuse, fort riche, et dont le coffre-fort, soigneusement caché, fut découvert vide, portant sur la porte un Z rouge. La belle bourbonnaise gardait le souvenir d'un cabaret où se rendait souvent Clouteau, quelquefois Bouchancœur et qu'on appelait la Barbotière. Mais un jour, Bouchancœur déclara à la fidèle et discrète Zélie qu'il ne retournerait plus à la Barbotière. Les consommations y étaient tout à coup devenues exécrables, et il y venait un nouveau client qui ne lui plaisait pas du tout, et qui s'appelait Paulin Broquet. La belle bourbonnaise comprit, car ce seul nom la faisait également frissonner dans toute son énorme personne. Aujourd'hui encore, elle ne songea pas se diriger du côté de la Barbotière. Elle voulut même en éviter le plus possible le voisinage. Elle fit le tour de la place et s'engagea dans l'avenue de Clichy. Elle avisa un modeste débit de 20 restaurants, et en se cognant à l'étroite porte, elle fit son entrée et alla s'asseoir à une petite table de marbre, mettant Paulette ébahie sur une chaise à côté d'elle. Pour Paulette, tout était si nouveau, si inattendu, si bizarre, qu'elle regardait de ses grands yeux bleus étonnés, affolés, et obéissait machinalement à ce que lui disait, d'ailleurs très doucement, la belle bourbonnaise. « La carte, » demanda Zélie, « toute la carte. » La bonne de l'établissement la lui apporta, glissée dans la rainure d'une planche de bois, mais elle ne se doutait pas de ce que signifiaient ces mots, toute la carte. Elle devait l'apprendre à sa grande stupéfaction. Le menu de l'établissement comportait un plat du jour et quelques autres, plus des hors-d'œuvre, des légumes, fromages, desserts variés. « Commençons par les hors-d'œuvre, » commanda la belle bourbonnaise. « Lesquels voulez-vous, madame ? Lesquels, mais tous, apportez-les tous ?» La belle bourbonnaise avait à regagner des repas perdus. Elle ne comptait pas le frugal dîner chez Dambelle, à l'auberge du Cheval Blanc, et tenait le jambon et les poulets du pavillon de chasse comme de simples intermèdes. Puis, ici, avant d'entrer, elle avait bien étudié les êtres de la maison et se sentait en sécurité. Son appétit s'accrut, elle allait pouvoir se restaurer, se refaire tranquillement comme il lui convenait. Les hors-d'œuvre apportés, elle mit une sardine sur l'assiette de Paulette qui mangea aussi de bon appétit. La belle bourbonnaise commanda du vin bouché. « J'aime mieux le vin bouché, » déclara-t-elle, « c'est plus hygiénique. Il entre moins de microbes par le bouchon. » Elle but le premier verre en pensant au Bourgogne qui accompagna le camembert amande. « Ah, si Bouche encore était là. Où est-il maintenant, mon pauvre Perpignan ?» Le plat du jour fut apprécié à son juste mérite, et les autres plats, pour n'être pas honorés de ce titre du jour, ne parurent nullement inférieurs au premier. Les légumes, le dessert, tout cela fit cortège au plat du jour, l'accompagna, et eut cet honneur de se trouver réunis, non plus seulement sur la planchette du menu, mais effectivement dans l'immense estomac de la belle bourbonnaise. Café, liqueur, pousse-liqueur, tout cela glissa admirablement avec une précision mathématique et trouva son coin, comme toutes les marchandises amassées sur le quai d'embarquement, et paraissant aussi considérables que le bateau lui-même, finissent par s'y engouffrer, s'y caser très commodément. Cela semble tenir du prodige. Ici, la bonne alerte qui servait la belle bourbonnaise était en admiration. La patronne à sa caisse derrière le comptoir souriait. Et le patron de sa cuisine sortit pour venir saluer cette cliente phénoménale. « Ah !» pensait Zélie, « comme Bouchancœur se fut régalé aussi, et quelle bonne pipe il eût fumé maintenant !» Ayant ainsi repris quelques forces, la belle bourbonnaise quitta le lit restaurant, ayant un peu plus de mal que tout à l'heure à franchir la porte, elle reprit sa promenade dans les rues des Batignolles. Elle pensa que dans ce quartier très populeux, très mêlé, dans ces rues nombreuses, elle trouverait plus facilement que partout ailleurs asile et discrétion. Elle avisa un petit hôtel meublé, d'aspect simple mais propre, et arrêta une chambre pour quelques jours seulement. « Je viens, dit-elle, à Paris pour m'installer. Je vais demeurer ici en attendant que mon appartement soit prêt. » Quelques jours plus tard, en effet, elle quittait l'hôtel et prenait possession d'un petit logement dans la rue Nollet, une des rues les plus calmes, les plus retirées des Batignolles. On la dirait tracée dans une petite ville de province, gardant, dans le fond des maisons, des jardinets dont on aperçoit tout à coup, avec surprise, le feuillage par la porte d'entrée. Elle loua donc là un petit logement sous le nom de Madame Veuve Dubois. Elle commença une existence, toute nouvelle pour elle, de petite rentière, en attendant les événements. Les événements attendus, comme le plus souvent dans la vie, n'allaient pas vite, d'autant moins vite que ceux qui les intéressaient dépendaient de la justice. La belle bourbonnaise, alias Madame Veuve Dubois, pouvait d'ailleurs pendant quelque temps mener fort bien cette vie agréable de petite rentière classique, la petite rentière des Batignolles. Elle possédait non seulement les 500 francs que le généreux Cloutot, au moment du partage, alloua à Bouchancœur au nom du maître, mais encore une somme assez rondelette, elle disait elle assez conséquente, trouvée dans la fameuse cassette qui était allée au moment du pillage de la tilleuse s'engouffrer dans la poche entrepôt et qu'elle portait toujours sur elle. Dans cette cassette, en effet, se trouvaient, outre des papiers de famille, des lettres, des documents intéressant le comte de Saint-Rion et la jeune Madeleine Marnier, sa future femme, deux paquets de 10 billets de banque. Il y avait un paquet de billets de 1 000 francs et un second de 500 francs, ce qui représentait sur tout le territoire français la somme réelle de 15 000 francs. 15 000 francs ! Jamais la belle bourbonnaise n'en avait en vue à la fois. Mais Madame Veuve Dubois ne s'étonna pas, en tant que rentière, de posséder cette petite fortune. Le tort qu'elle eut cependant, et dont elle devait par la suite se repentir fort, ce fut de ne pas se rappeler suffisamment qu'elle était surtout la belle bourbonnaise, et seulement Madame Veuve Dubois rentière par occasion. Elle commit une très grande faute de se prendre au sérieux, et de se persuader que ses 15 000 francs étaient inépuisables, que ses rentes allaient régulièrement tomber à époque fixe, comme il est de règle chez les autres rentiers des Batignolles.